croissant de lune sur du chocolat, direction macaron. Une luciole à la main pour m'éclairer, je navigue incertain dans ces vagues agitées. Confiseland, mon imaginaire, là où mon rêve dégouline sur une boule de vanille. Allégeante convoitise, abondant de sottises. Croissant de lune sur du chocolat, direction macaron. Une luciole à la main pour m'éclairer, je navigue incertain dans ces vagues agitées. Confiseland, mon imaginaire, là où mon rêve dégouline sur une boule de vanille. Allégeante convoitise, abondant de sottises. Une luciole à la main pour m'éclairer.